Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de À l'affiche qui sera consacré aujourd'hui non pas à un film en particulier, mais plutôt à un blind test à propos des génériques et des introductions qu'on peut voir défiler avant les ouvertures des films au cinéma. Alors pour ce faire, je vais vous passer 13 extraits de films, alors que ce soit des introductions de... des marques, des introductions des maisons de production. Je vais vous laisser deux semaines pour donner les réponses, pour y réfléchir. Et puis dans deux semaines, je sortirai une nouvelle hors-série de À l'affiche dans lequel vous retrouverez les réponses. Je vous rassure, certains sont assez faciles, vous les trouverez assez rapidement. Mais d'autres sont un peu plus compliqués quand on les a pas vus souvent ou quand on regarde pas souvent des films au cinéma ou même des films tout court. Ça va pas être évident pour tous. Mais bon, je trouvais ça sympa de faire un concept qui tournait autour du cinéma sans être pour autant sans parler d'un film. Allez, c'est parti. Numéro 1. Le numéro 2. Maintenant, c'est le troisième. Là, le quatrième. Allez, le cinquième. Maintenant le sixième. Le septième. Numéro 8. Le numéro 9. Le numéro 10. Le numéro 11. Allez, l'avant-dernier, le 12. maintenant le 13. Alors, c'est bon ? Vous les avez trouvés ? Certains, quelques, pas tous ? Ah, c'est pas évident. Bah écoutez, pour ceux qui veulent, dans le descriptif de la description de l'épisode, j'ai mis le lien vers un Google Doc où vous pouvez m'envoyer vos réponses. Ça me permettra de contrôler, de savoir lesquelles, si vous avez raison ou pas. Autrement, vous pouvez aussi vous amuser à les noter chez vous, à demander à vos collègues, tout ça, ça peut être rigolo. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode hors série où cette fois-ci, ce sera les extraits, mais avec les réponses pour corriger vos copies, quoi. Donc, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous écoutez. Et puis, je vous donne rendez-vous au moins dans 2 semaines pour l'épisode avec les réponses. Et puis, autrement, rendez-vous pour un prochain vrai épisode de À l'affiche dans lequel je partagerai mes impressions par rapport à un film que je serai allé voir. Bon, allez, bonne journée, puis à plus tard. Salut !